avec moi au collège de Sambre. Il suffit de lever le doigt et me suivre pas à pas. Qui veut venir avec moi goûter au plaisir de la joie? Ce qu'une fois, ne pas s'en aller comme ça. Qui veut venir avec moi? Qui veut venir avec moi? Qui veut venir avec moi marcher le long d'une voie, à tout casser même la voix, et me prendre par le bras? Qui veut venir avec moi? Amour, amour, c'est bien toi. Tes rêves sont pour moi. Qui veut venir avec moi? Qui veut venir avec moi? Qui veut venir avec moi? Surtout, surtout, ne pleure pas. Demain on rigolera. Les jours ne se ressemblent pas. Qui veut venir avec moi? Tout près, tout près, tout près de moi. Que tu es belle sous ses draps. Qui veut venir avec moi? Qui veut venir?